bag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Et bonjour à tous et bienvenue dans le mag, comme le disait l'annonce sur Radioactive. Aujourd'hui, on va prendre la direction de Nazelles-Négron et on va parler d'un lieu qui redonne des couleurs, du swing, du sourire à nos week-ends. Il s'agit du Moulinet, ouvert depuis avril 2025. C'est un véritable dancing nouvelle génération, un endroit où on peut se faire plaisir sur des années 80 jusqu'à nos jours, mais aussi profiter des après-midi dansants du dimanche avec de vrais orchestres, de vraies ambiances et puis des beaux moments de partage. Alors pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir mon président, notre José Rodriguez, donc président, je le précise, de Prise d'Assaut. Et quand je dis notre président, c'est parce que Prise d'Assaut, ce n'est pas que le Moulinet, mais c'est aussi Radioactive et le festival des courants BD maintenant qui perdure. Donc c'est l'association qui fait tourner ce beau projet. Bonjour José. Bonjour Marlène. Alors José, pouvez-vous dans un premier temps nous raconter comment s'est né ce projet du Moulinet ? Alors le Moulinet a eu, c'est sa deuxième vie au Moulinet. Hein. Donc on a eu une première vie en 2016 dans la boîte Ardière. Hein. Donc on avait fait cet établissement qui c'est le Dansigne. Donc on a repris un vieux Dansigne qui existe depuis 40 ans quand même sur la commune d'Amboise. Donc pour diverses raisons, le Moulinet s'est déplacé effectivement sur la commune de Nazelles depuis le mois d'avril, donc au 12 boulevard de l'Avenir. Nous avons recréé tout un univers du dancing, parce que c'est bien un dancing, et on ne veut surtout pas entendre parler de discothèque ou de lieu de nuit, c'est un dancing. L'esprit du Moulinet reste toujours le même, accueillir les gens du mieux possible pour partager un moment extraordinaire qui est la musique, la danse. Donc voilà. On le disait en intro, le Moulinet il a rouvert ses portes en avril 2025 sur cette commune de Nazelles-Négron. Comment se passent les premiers mois de vie de ce lieu ? Je dirais que ça se passe... c'est moyen, je dirais. Je ne vais pas dire que c'est magnifique, que c'est tout beau, c'est tout rose. Non, on redémarre. Mmh. Donc effectivement, comme toute activité, il faut apprivoiser ce local. Hein. Donc c'est un ancien lieu d'usine où ils fabriquaient des cuisines. Donc vous voyez, on part de la cuisine à la danse, donc pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai que il faut que nous puissions communiquer, et c'est ce qu'on est encore en train de faire avec Radioactive, hein, mm-hmm. Donc c'est clair, mais c'est vrai que je dirais que on démarre tout doucement, comme le premier Moulinet. Ça nous rappelle un peu quelques années en arrière. Mais il faut toujours un début. Exactement. C'est exactement l'explication qu'on donne à chaque fois. Il faut un début. Donc, mais voilà, les gens commencent à s'approprier. Et puis, il faut venir vraiment découvrir ce local qui est vraiment... C'est une structure complètement atypique. Atypique aussi dans sa création, parce qu'on peut le préciser, ça a fait l'objet d'un budget participatif. Donc la création de ce lieu, il est complètement commun, complètement... Oui. Voilà, c'est vraiment tout le monde a mis la main à la pâte, y compris les personnes qui venaient précédemment dans l'ancien Moulinet. Absolument, oui, il faut préciser. C'est exact, il faut préciser que les anciens danseurs, on les a appelés les danseurs du Moulinet, parce qu'on n'a pas changé de nom. Hein. Le Moulinet, zone industrielle de la Boîte-Ardière, et le Moulinet au 12 boulevard de l'Avenir, pardon, n'a pas changé de nom. Hein. Donc voilà. Donc, et c'est vrai que les danseurs du Moulinet ont voulu nous aider à essayer de recréer cette histoire de convivialité, parce que pour eux, c'est pareil. Hein. Venir passer une soirée, alors effectivement, c'est les années 80, je dirais plutôt des années 70 à nos jours, même si on va essayer d'apporter quelques petites corrections sur ces années-là. Et puis, bien entendu, ce dimanche, ce thé dansant qui nous embellit un dimanche extraordinaire avec, effectivement, des orchestres en direct, avec des musiciens qui viennent tous les dimanches après-midi pour le bonheur de tout le monde. Et c'est vrai que venir partager cette histoire de danse, de boire un petit coup, de s'amuser toute une après-midi, c'est vraiment la chose la plus agréable qu'on puisse avoir, nous. Alors justement, on l'évoque, ce public, c'est qui ce public ? C'est des habitués, des curieux, un mélange ? Ouais, je pense que c'est un peu de tout ça. Alors effectivement, on commence à s'appeler les habitués. Effectivement, on avait plein de curieux parce que effectivement, hein, le Moulinet, il fallait se le réapproprier. C'est une grande salle avec un grand espace. Hein, ça fait plus de 800 mètres carrés. Donc effectivement, quand on est dans ces lieux-là avec une piste qui est extraordinaire, hein, fait 155 mètres carrés, 157 mètres carrés pour pouvoir danser, donc c'est très agréable pour les danseurs, surtout pour les grands valseurs qui adorent tourner autour de ces pistes. Mais effectivement, puis après, avec une décoration atypique, avec des couleurs qui sont nos couleurs, et les curieux sont venus, et aujourd'hui ça ne s'appelle plus les curieux, mais effectivement ce sont des habitués, alors des gens qui arrivent et puis qui vous disent, moi j'aime bien être à cette table là, donc est-ce qu'on peut être samedi prochain à la même? Effectivement, hein, les gens s'approprient leur propre espace, et à chaque fois on nous demande, ben je peux, bien entendu, avec grand plaisir, et puis hop, on les voit les dimanches prochains, et ils sont assis sur leur petite table, donc c'est assez agréable à revoir. Des fidèles qui, du coup, ne manquent aucun dimanche ? Ah, aucun dimanche, alors ça c'est vrai que c'est vraiment... C'est le défouloir. Alors effectivement, hein, les gens pensent que venir faire danser une valse ou un tango ou un passodoble, enfin quel que soit le même du rock. Le fin connaisseur en termes de danse. Attention, hein, c'est que. Ah oui. Et puis ils dansent aussi du rock, etc. mais là, je parle de vous. Ah ben, mais j'aime, hein, de toute manière. C'est ma génération. Hein, que ce soit la danse, j'allais dire de salon, même si dans un salon c'est trop compliqué de faire une valse, mais mais communément danse de salon, mais c'est vrai que le passo doble ou le tango, c'est tellement agréable à voir, et ils aiment, et j'adore voir les gens qui aiment s'amuser et qui aiment danser, et ça se voit, ils sont... Enfin voilà, c'est une après-midi, rien que voir les visages des danseurs et des danseuses qui sont là, et puis bien entendu, alors c'est du tout âge, hein, comme je l'avais déjà dit, hein, donc on a des exceptionnellement, on avait des gens de 25 ans un dimanche qui étaient là, ce qui est vraiment exceptionnel, hein, de voir des aussi jeunes personnes venir partager la valse ou la danse du tout de danse. Mais on a aussi notre mamie Jacotte, hein, que je nomme à chaque fois, qui a 92 ans. Donc elle vient tous les dimanches, c'est une très belle histoire, hein. Elle vient, elle habite à Nazelles, c'est sa petite fille parce qu'elle ne conduit plus, hein, elle a bien raison. Donc elle vient avec sa petite fille qui l'accompagne, qui va chercher un petit café, enfin boire un petit café à cet âge-là, c'est extraordinaire quand même. Et puis notre mamie Jacotte passe toute l'après-midi avec nous, et ça c'est un bonheur, voilà quoi, rien que ce bonheur-là me comble tous les dimanches, quoi. Justement, comment vous faites, vous et l'équipe, pour faire en sorte que les gens se sentent bien dès qu'ils passent la porte ? Alors, je pense que, enfin, faut bien préciser qu'on est encore une fois que des bénévoles, hein, donc oui. C'est une structure associative, ce ne sont que des bénévoles qui les accueillent. Moi, je dis que les copains et les copines qui sont à l'entrée, c'est leur sourire qu'ils ont, les yeux qui pétillent quand ils les voient arriver, rien que le petit sourire et le petit bonjour qui va bien avec. Moi je suis un peu plus loin, je fais des petits câlins, donc moi j'adore faire des petits câlins, donc voilà, mais je pense que cette histoire de les accueillir avec un bon sourire et puis de leur dire amusez-vous, venez partager avec nous, mais surtout amusez-vous. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de prise de tête, c'est voilà, venez partager l'après-midi avec nous, vous vous amusez ou vous avez besoin de quelque chose, vous nous le dites, et on est là pour essayer de satisfaire vos besoins dans l'après-midi, voilà quoi. Mais je pense que c'est surtout le sourire et puis cet accueil qui leur convient. Un projet comme celui-là, ça demande une énergie folle, parce que ça demande évidemment du temps, ça demande de fédérer des bénévoles, bien sûr. Comment, derrière le rideau, ça fonctionne ? Vous êtes combien, en fait, à faire tourner cette affaire-là ? Alors, effectivement, c'est un boulot, j'allais dire, comme tout projet associatif et avec des bénévoles, hein, donc c'est toujours extrêmement compliqué. Et puis, on sait pertinemment que l'humain, aujourd'hui, est quelque chose d'assez compliqué aussi, hein. Et puis encore une fois, trouver des bénévoles, c'est une denrée qui devient extrêmement rare. Et partager, alors bien entendu, hein, on est je dirais une vingtaine, dans notre équipe, c'est ce noyau-là. Effectivement, on est sur le pont, pas tous, mais tous les week-ends. Donc, faut pas l'oublier, on est tous les week-ends. Bien souvent, du vendredi au dimanche soir, parce que le vendredi, on a oublié le vendredi, mais le vendredi, on a des soirées à thème, notamment la soirée du rock, qui est un succès extraordinaire, mm-hmm. avec Raphaël et Bénédicte. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on est là du vendredi, samedi soir, le dimanche, toute l'après-midi. Alors, nos bénévoles sont là quand ils le peuvent, bien entendu. Hein, donc, ils nous donnent soit le samedi soir, soit le dimanche après-midi pour certains. D'autres n'aiment pas trop la partie ce qu'on appelle guinguette. C'est vrai que voilà, faut un minimum de partage avec la valse, le tango, etc. C'est vraiment des choses où on doit essentiellement partager à deux, donc c'est des danses qui se dansent rarement seules. Donc si on n'aime pas trop ce contact avec l'autre, etc., donc on est déjà un peu plus en retrait, alors que c'est vrai que les années 80, on peut aller bouger son popotin sur la piste le samedi soir, ça ne gêne personne, même quand on est tout seul. Donc voilà. Donc c'est vrai que sur le groupe d'une vingtaine de bénévoles, on arrive tous les week-ends. Alors le dimanche est un peu plus compliqué, parce qu'on leur rappelle le vendredi soir qu'on a un petit planning, qu'il faut s'inscrire le dimanche, parce que même si les gens ne sont pas exigeants du tout, mais il y a quand même un minimum. Puis nous avons un petit truc, c'est que tous les dimanches après-midi à 17h, ils commencent à danser à 14h30, hein, et il faut une pause à 17h30, parce que je vous assure qu'ils restent sur la piste tout le temps, hein, donc voilà. Donc on leur offre un petit jus de fruits avec une petite madeleine ou un petit gâteau. Ils peuvent manger des petits gâteaux, et cette pause là est bienvenue, mais il faut quand même aller les servir, il faut quand même aller vers les gens, donc il nous faut du monde. Donc effectivement, si vous avez envie de partager avec nous, hein, on est toujours à la recherche des bénévoles, donc n'hésitez pas à appeler Radioactive ou passez nous voir au Moulinet. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra être là le vendredi, le samedi et le dimanche ? Et non, c'est, j'allais dire, c'est le bénévole qui va faire le planning. Il y a des week-ends où ils ne peuvent pas être là parce que effectivement, il y a la famille, il y a les enfants, il y a des petits-enfants, parce qu'il y a des gens qui ont un âge déjà un peu plus avancés, qui ont des petits-enfants, et effectivement il faut aussi s'occuper de sa propre famille, de ses enfants et de ses petits-enfants, donc ils ne peuvent pas forcément être là tous les week-ends, mais s'ils sont là qu'un week-end par-ci, un week-end par-là, ou un samedi, où on sait qu'on peut compter sur eux le samedi, parce que le dimanche ils passent en famille, on garde ceux du samedi, et puis on en a deux ou trois le dimanche. Voilà, le vendredi, c'est une autre structure associative qui gère les vendredis. Nous, on a simplement besoin de bénévoles qui sont au bar. Donc voilà, on est deux ou trois, j'allais dire... Alors, on précise qu'ils servent au bar. Qu'ils servent. Les bénévoles au bar... Oui, c'est ça, non. On peut mal comprendre. Pas des piliers. On est d'accord. Okay. Non. Ils sont à l'intérieur du bar et pas extérieur. Donc, ils servent au bar, ils servent les clients. Donc, effectivement, on a surtout aucune obligation. Hein. Et puis, quand on est bénévole, on donne déjà de soi-même. Donc, partager deux heures, on oublie bien souvent des tâches, parce que faire tourner cette machine, c'est aussi, tous les lundis, il faut faire le ménage. Bien sûr. Faut nettoyer de fond en comble cette structure. Et effectivement, on s'est battu avec les garçons, parce que les garçons, pour faire le ménage, c'est un peu compliqué. Mmh. Et on leur a dit, voilà, il y a aussi le lundi, il faut venir partager le lundi après-midi avec les copines et les copains, passe-les à l'aspirateur, c'est du boulot, hein, donc... D'autant qu'il y a un volet qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est aussi un lieu d'accueil de différentes associations qui, finalement, ça... Petit pôle culturel, ce Moulinet. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi du mouvement d'autres associations au sein de cette... Oui. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir partager avec les services jeunesse, avec la MJC, cette structure-là, où ils viennent partager la danse, parce qu'il y a aussi, ils font pas que de la danse, parce qu'il y a aussi du théâtre et théâtre d'improvisation qui sont à l'intérieur de leur structure. C'est vrai que cette salle, elle vit toute la semaine, que le soir, hein, j'allais dire, parce que c'est des cours qui commencent qu'à partir des 17h jusqu'à 20h30 ou 21h pour certains, du lundi au vendredi, et puis bien entendu le vendredi soir avec les thèmes qui peuvent exister. N'oubliez pas que par exemple, vendredi, le le 5, donc de cette semaine, nous partageons cette salle avec le Téléthon, donc organisé par ANTS Prod Rudy, voilà, ouais, Rudy, avec notre ami Rudy qui viendra avec un groupe. Il y aura un groupe. Enfin, vous pouvez aller sur la page du Facebook de Rudy. Vous allez pouvoir trouver ça. Mais le jeudi soir, vous allez avoir un groupe qui va vous faire de la belle musique jusqu'à 23h. Ça commence à 21h jusqu'à 23h. Et à partir de 23h, suivant le public qu'il y aura, il y a DJ Sébastien, donc Seb, DJ Seb qui mettra ses platines et qui jouera aussi. Et tout ça pour le Téléthon. Donc c'est une entrée à 10€ qui sera reversée totalement. Même nous, en tant que prise d'assaut, nous reversons les fameux 7€ d'entrée. Donc les 10€ seront versés directement au Téléthon. Donc venez partager ce moment du vendredi avec nous. Puis le samedi, bien entendu, à la salle des fêtes d'Amboise pour le Téléthon. Mais effectivement, c'est une salle qui ne demande que ça. Et j'espère pouvoir la partager avec d'autres structures associatives dans le courant de l'année prochaine. Parce que bon, là, on arrive en fin d'année. On a eu un démarrage assez compliqué. Et puis bon, c'est vrai qu'ouvrir un printemps fin d'avril jusqu'à l'été, c'est compliqué parce qu'avec ouais, tout... Puis, il a fallu essuyer aussi la crainte de certains voisins qui se disaient que ça allait être un petit peu bruyant. Et ça s'est apaisé, ces tensions-là, José ? On a toujours... Enfin, c'est vrai que c'est pas très agréable quand vous arrivez devant le moulinet et que vous voyez ces espèces de torchons, parce que c'est des draps avec des écritures dessus en disant faites attention au bruit ou respectez le bruit de machin. Alors effectivement, nous on joue toujours la transparence, hein, parce qu'on est une asso et puis on veut de problème avec personne. On a les forces de l'ordre qui sont venues, bien entendu, hein, convier, venir visiter la structure et surtout leur faire écouter quand les DJ sont là avec leurs platines et moi j'ai nous avons tous hein, des mesureurs de son et effectivement j'en ai parlé avec la gendarmerie qui sont venus hein, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc voilà, donc il n'y a pas, même si certains peuvent dire que c'est du tapage nocturne, mais même si le son est un peu fort dans cette salle là on n'excède jamais 70 décibels à l'extérieur, quoi. Donc, alors qu'on sait que les autorisations, c'est 110. À partir de 110, c'est du tapage nocturne monstrueux. Donc voilà. Et effectivement, moi, j'ai appelé la brigade de gendarmerie et qui sont venus, qui ont fait leur travail, au moins pour me rassurer moi. Et puis surtout, s'il y a des plaintes, parce que bien entendu, hein, les gens appellent en disant, bah voilà, la pollution lumineuse. Et puis voilà. Donc c'est assez stupide. Et puis quand on entend d'un certain nombre de personnes, il y a très peu d'habitations hein, autour du Moulinet, hein, c'est une zone industrielle, hein, donc n'oubliez pas. Hein. Donc toutes les usines sont fermées à partir de 19h, ils sont déjà plus là. Donc il y a très très peu d'habitations, et quand vous entendez un certain nombre d'individus qui habitent assez loin du Moulinet et qui commencent à dire « nous, notre problématique c'est que notre maison va se mettre à vibrer », on se dit bah, « quel degré ?» Voilà quoi, je vois pas comment est-ce qu'on peut parler de vibration avec des décibels. Enfin bref, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable. Je dirais que c'est pas gênant. Les gens ont bien compris. Et puis voilà quoi. Et puis ils s'en fichent. Eux viennent passer une belle après-midi. Et le reste, bah, c'est pas leur problème. Donc, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Parlons donc pour presque clôturer, parce qu'effectivement le temps passe, José, parlons plutôt d'une note positive. C'est quoi la suite hein? Plein de soirées thématiques, à des tarifs très abordables, généralement autour de 7€ l'entrée. Absolument. Pour une soirée années 80. Ouais, que ce soit le rock ou que ce soit les années 80, il n'y a que le dimanche où les soirées sont à 10€, ou l'après-midi récréative est à 10€, avec une petite boisson offerte. Mais sinon, les vendredis soirs et les samedis soirs, c'est 7€ l'entrée. Il n'y a pas de consommation, je tiens à préciser. Il n'y a pas de consommation avec les 7€. Hein, donc, je pense que vous pouvez tous comprendre qu'avec l'entrée à 7€, on ne peut pas se permettre d'offrir non plus des boissons. Et effectivement, alors, moi, je fais un appel. Hein, donc, je profite de Radioactive pour faire un appel à tous les auditeurs. Si vous avez des idées de thèmes, de soirée, alors on est preneur parce que c'est vrai que les années 80, je crois que ça commence à fatiguer un peu tout le monde. Et que si on peut faire une soirée, je vais vous dire n'importe quoi, une soirée blanche ou une soirée karaoké, je pense qu'on va aller vers ce travail-là dans les semaines à venir. On va déjà, alors samedi, c'est notre ami Paolo qui est notre DJ samedi soir. Mais le samedi d'après, c'est Noël. Et on va essayer de vous donner le thème que Noël va pouvoir s'inspirer et faire une playlist par rapport au thème, je vais vous dire la soirée blanche avec des musiques latines, enfin bref. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez surtout pas à aller sur la page Facebook de Radioactive ou du Moulinet, parce que vous avez aussi la page du Moulinet, et puis nous faire des petits commentaires pour nous dire, bah tiens, nous on aimerait bien telle soirée ou telle animation. Enfin moi je suis le premier à être preneur de vos idées, donc n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Super, ben merci beaucoup José d'avoir été avec nous pour avec nous parler grand plaisir. De ce moulinet. Ouais. Donc on le rappelle, c'est à la fois un dancing mais aussi une salle voilà, où on peut profiter de super soirées ambiancées sur les années 80 mais aussi, et pas que, j'ai et envie de dire. Donc si vous voulez passer une super soirée danser pour de vrai avec un beau parquet, on n'a pas dit mais un magnifique parquet, c'est au moulinet qu'il faut aller. Un lieu qui est plein de bonne humeur, où vous retrouverez plein de gens sympas et José qui sera là pour vous accueillir. Avec grand plaisir. Et puis, c'est le 12 boulevard de l'Avenir à Nazelles. Et on fait aussi des lotos. Hein. Faut vraiment aller sur la page du Facebook du Moulinet. Vous avez tout le programme sans aucun problème. Merci Marlène. Merci Vincent. Merci à tous. On se retrouve très vite sur Radioactive pour un nouveau mag. D'ici là, eh bien, restez rock, restez vivant et amusez-vous. Amusez-vous, c'est bien ça. Merci. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.